Et pour évoquer cet accord intervenu à la COP21, nous retrouvons le climatologue Jean Jouzel et Ami Dahan. Bonjour, vous êtes historienne des sciences, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Cet accord intervenu à Paris n'est évidemment pas le premier. Il y a une longue suite de sommets internationaux qui ont eu lieu autour du climat. Le premier important ayant eu lieu à Rio. Si l'on essaye de retracer en quelques mots, Ami Dahan, l'histoire de ces sommets du climat, quelles sont les constantes, dans quelle mesure le sommet de Paris est-il véritablement historique ? Donc il y a eu effectivement 21 COP, enfin 20 avant celle-ci, et puis ça avait commencé par le sommet de Rio. Donc à chaque fois, c'est un petit peu le même cérémonial, les mêmes procédures. Ce qu'il faut dire, c'est que à Rio, c'était quand même le sommet de la Terre, donc vraiment l'apogée du multilatéralisme, le grand enthousiasme de l'époque, le développement durable, etc. Et la première décennie de ces COP, si on peut dire, était pleine d'espoir et de perspectives positives. D'une certaine façon, le protocole de Kyoto a été obtenu assez rapidement, en 3 ans. En 97, fin 97, il a été signé à Kyoto. Mais bien sûr, on sent déjà un certain nombre de fractures et de tensions, et en particulier, bien sûr, du côté des États-Unis. Puisque les États-Unis, le Sénat américain, quelques semaines même avant Kyoto, avait adopté une résolution de Beer Dagel, du nom des deux sénateurs, disant que les États-Unis ne ratifieraient ou ne signeraient rien qui handicape leur économie et leur compétitivité. Et donc voilà, c'est ce qui a finalement donné, quand Bush a été élu en 2001, le retrait du processus. Et à ce moment-là, on peut dire que franchement, il y a une décrédibilisation profonde de ce processus, au moins aux yeux des pays en développement. Donc il a fallu 14 ans pour revenir à un sommet qui puisse avoir véritablement une efficacité sur le climat. Oui, après l'échec retentissant de Copenhague en 2009. Donc là, 2009, là, on était toujours dans la suite des espoirs un peu fous. Et en même temps aussi, c'est le moment où on va repartir quand même sur d'autres bases. Donc je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un peu en partant de ce que les États veulent bien faire. Leurs promesses, une démarche par le bas. Et puis aussi, c'est la place des pays en développement ou émergents qui a quand même beaucoup changé. Donc voilà, en 2009, ils ne sont pas encore partie prenante de ces obligations, de cette conférence. Ils sont d'une certaine façon observateurs, même s'ils sont de plus en plus forts, et que la Chine est devenue le premier émetteur mondial dès 2006, alors qu'on avait prévu ça pour 2020. Donc tout ça est allé très vite. Et maintenant, nous sommes dans une autre perspective. Donc on a bien compris, Ami Dahan, le point de rupture, le fait que cet accord soit un accord efficace, c'est ce que nous a expliqué également Jean Jouzel. Mais il y a aussi des continuités historiques, et notamment la gouvernance du climat, elle a toujours privilégié une lecture environnementale, gestionnaire et pour ainsi dire apolitique du changement climatique. Expliquez-nous pourquoi cette constance, le fait de prendre les choses de manière apolitique et gestionnaire, c'est pas forcément la seule solution. Il faut voir déjà que ce mot de gouvernance, qui vient du New Public Management, qui veut dire en gros gérer les choses, la gouvernance des entreprises, la gouvernance. Bon, et donc je crois que c'est, et ça c'est un peu la thèse que nous défendons dans notre livre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui caractérise aussi ces processus régis par l'ONU, qui sont un peu au lieu de subir totalement les choses, on essaye un petit peu de les gérer, mais de fait, on les gère en ignorant les asymétries de pouvoir historiques dont ces questions sont le produit, et en particulier cette question évidemment du climat est le produit d'un développement historique des pays du Nord depuis longtemps, avec les changements qu'amène l'émergence des émergents et qui a tout changé évidemment dans les rapports de force géopolitiques, et on a préféré privilégier uniquement la dimension environnementale, parce que c'est une dimension qui est censée réunir tout le monde. Mais voilà, on a la même terre, on la sauve et on essaye de la protéger. Mais de fait, on niait les conflits géopolitiques, d'intérêts économiques qui opposaient les pays au profit de cette unité factice. Le livre auquel vous avez fait référence à Mitterrand, c'est « Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales », un livre que vous avez coécrit avec Stéphane Écoute. Mais alors, à vous entendre, il faudrait peut-être repolitiser les choses. Le fait de gommer la politique, de l'évacuer, ce n'est pas nécessairement une bonne solution. Non, ce n'est pas du tout une bonne solution. Et je crois, de toute façon, on a bien vu dans le travail diplomatique qui a été fait par les délégations françaises, conduites par Laurent Fabius, que là, il y a eu quand même, c'est un travail politique qui a été d'essayer de rapprocher des points de vue, de faire converger un certain nombre vers des solutions de compromis. Parce qu'il y a des ennemis quand même de la question du climat. Il faut bien en prendre acte, c'est-à-dire qu'en particulier les pays producteurs d'énergie fossile, les pays pétroliers, gaziers, charbonniers, etc., ne veulent pas de restrictions. Et donc, ils s'opposent et de fait, dans le texte, il n'y a pas véritablement mention explicite d'un moment où on sortirait des énergies fossiles, de l'après-énergie fossile. Brice Couturier. Les économies nationales sont en concurrence les unes avec les autres. Or, ce à quoi nous sommes invités par les conférences climat, ça aboutit en fait à alourdir le coût de production de nos économies en renonçant à celles qui sont bon marché comme le pétrole, le gaz et le charbon et en nous tournant vers celles qui sont plus chères. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les pays les plus ouverts aux thèses écologistes comme l'Europe du Nord ou l'Europe en général de se retrouver dans une situation concurrentielle extrêmement défavorable, bref d'être les dindons de la farce face à un monde qui continuera à émettre autant de gaz à effet de serre, tandis que nous, nous réduirions les nôtres en alourdissant sacrément le coût de nos productions et donc en devenant très peu compétitifs. Bon, ça, c'est la version extrêmement pessimiste. C'est comme ça qu'il est. Hein. Oui, je crois que quand même, il faut voir que la transition énergétique vers les énergies renouvelables et vers d'autres modes de production et de consommation offre, en tout cas, peut offrir un certain nombre d'opportunités techniques, technologiques, de développement sur lesquelles il faut insister. Ouais. Et si on prend parmi les pays que vous avez en tête, l'Allemagne, bien l'Allemagne quand même, elle a amorcé un tournant énergétique important. Ouais. Ça lui coûte cher, hein ? Ça lui coûte cher, d'accord, mais elle a un avantage, elle va avoir un avantage industriel et technique, mais majeur. Si vous voulez, des entreprises comme Schneider, etc., sont des entreprises qui misent tout sur le smart grid, etc., pour les énergies. Le smart grid, c'est l'idée de faire un réseau intelligent qui optimise Exactement. La distribution d'électricité. Toute cette nouvelle technologie, bon, elle insiste là-dessus. De toute façon, vous n'allez pas commencer à nous expliquer, non, oui, Brice Couturier, que l'économie allemande n'est pas quand même compétitive. Non, Jean Jouzel. En deux mots, ce que Brice Couturier oublie, il oublie la moitié des choses, c'est-à-dire que les coûts associés au désastre du réchauffement climatique vont aussi augmenter beaucoup plus rapidement, justement, que ce que l'on entrevoit en termes de bénéfices. Donc, il faut voir. À court terme, c'est vrai. À moyen terme, c'est faux. Pourquoi ? Expliquez-nous quels sont les coûts qui vont naître rapidement. Toutes les estimations des coûts liés à un réchauffement climatique qui ne serait pas maîtrisé, que ce soit dans les rapports Stern ou d'autres d'ailleurs, aussi bien dans les rapports du GIEC, montrent que ces coûts sont plus importants que justement les bénéfices à court terme que l'on peut imaginer en utilisant le pétrole, enfin ce qui n'est pas cher actuellement. Par exemple, le GIEC montre, dans le rapport du GIEC, on montre clairement que la lutte contre le réchauffement climatique est économiquement viable, si on perd un an tous les 30 ans de PIB, ceci sans tenir compte des avantages justement de la lutte contre le réchauffement climatique en termes de bien-être, en termes de gains, de désastres évités, et c'est techniquement viable. Donc je crois qu'il faut aller parce que c'est inéluctable. Oui, enfin, nous, Européens, nous avons réduit sacrément nos émissions de gaz à effet de serre, alors qu'ils ont continué à augmenter pour le reste de la Terre, malgré vos conférences climatiques. Donc on a quand même le sentiment d'être un peu les dindons de la farce. Moi, je crois qu'on peut effectivement Amida. Reconnaître que l'Europe a été la bonne élève du processus pendant des années. Elle a montré un peu la voie jusqu'à, en tout cas, la première décennie et jusqu'à Copenhague. Elle a voulu. Et les États-Unis avait une position de frein et d'obstruction. Et bien sûr, les émergences ne se sentaient pas concernées. Aujourd'hui, il y a de fait une certaine modification géopolitique qui a ses limites. J'en conviens parfaitement. Je crois que les États-Unis, avec Obama, ont fait un pas. C'est quelque chose qui n'est pas acquis pour toujours et sur lequel il faudra beaucoup insister. Et les pays émergents, là, étaient dans une position très dure, en particulier l'Inde. La Chine a montré à plusieurs reprises depuis les derniers mois des signes de bonne volonté. Et je crois que c'est lié évidemment à sa population intérieure, les inquiétudes de la population vis-à-vis des pollutions, etc. Et l'Inde a bougé un peu ? L'Inde est très dure. L'Inde est très dure. Elle s'est associée à l'accord jusque, je crois, au dernier moment. C'était un pari. Et là, on voit quand même que le travail diplomatique peut avoir des effets de temps en temps. Ça, je crois qu'il faut le saluer. Il y a une différence majeure entre l'Inde et la Chine actuellement. La Chine, les émissions de gaz carbonique de la Chine ont pratiquement stagné entre 2014 et 2013. On envisage même qu'elles commencent à légèrement diminuer pour 2015. C'est le cas inverse pour l'Inde. L'Inde, ça a augmenté de 7 à 8%. Et ça, c'est très important. Il y a une synergie entre la lutte contre la pollution et la lutte contre le réchauffement climatique qui se met en place en Chine. Et on ne comprend pas bien pourquoi elle ne se met pas en place en Inde, puisqu'il y a aussi beaucoup de pollution dans les villes indiennes. Donc c'est un peu l'espoir qu'elles s'y mettent, effectivement, que les Indiens aillent de l'avant. Justement, parmi les fléaux écologiques, puisque cette COP21 était centrée sur la question du climat, y a-t-il d'autres problèmes environnementaux qu'il faudrait traiter, Jean Jouzel, selon vous ? Oui. Le climat est-il la première priorité ? En tout cas, le climat exacerbe tous les autres problèmes environnementaux. Prenons la perte de biodiversité qui est un problème en soi, ou l'état des océans qui est aussi un autre problème. Eh bien, la perte de biodiversité est clairement exacerbée par le réchauffement climatique. Si on laisse aller les choses, la capacité de déplacement de beaucoup d'espèces, de faune, flore, est inférieure à la vitesse de déplacement du climat. On comprend qu'elles ne pourront pas s'adapter. Si vous prenez l'océan, acidification de l'océan, perte avec réchauffement, ça conduit à la perte des récifs coralliens, moins de productivité. Donc il y a beaucoup, effectivement, que l'on parle de pollution également. Il est généralement plus difficile de faire face à la pollution dans un climat chaud. Les problèmes de santé et environnement sont exacerbés. Donc je ne dis pas... Et les problèmes de faim dans le monde également. Les rendements agricoles seront diminués par le réchauffement climatique. Donc on perd sur tous les tableaux si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Donc prendre chaque problème environnemental de façon séparée n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut lutter contre le réchauffement climatique et bien sûr traiter les autres problèmes environnementaux. Amida, en vous qui êtes historienne des sciences. Oui. Je pense qu'on note très clairement une climatisation du monde. Ça veut dire que le climat est en train de satelliser, de concentrer tous les problèmes du monde. Et d'une certaine façon, cette gouvernance internationale du climat, avec ses défauts mais criants et majeurs, est une sorte de métaphore de la gouvernance mondiale. Et si je crois que cet accord, pour le meilleur et pour le pire, il reflète l'état de notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc tous les sujets... Le meilleur, on vous a suivi, le pire, c'est quoi ? Parce que quand vous parlez des défauts terribles... Bien sûr, c'est les égoïsmes nationaux, c'est les pays qui sont en embuscade, qui ont freiné au maximum, qui signent, mais dont on sait que s'il n'y a pas une vigilance énorme, etc., des mouvements de la société civile, ils vont pas respecter les engagements. On sait très bien que cette gouvernance, depuis 20 ans, elle s'est caractérisée par une disjonction entre les mots et les faits, et donc elle a entretenu la fiction que ça avançait, et de fait le monde circulait d'une autre façon. Mais quand même, on peut dire que la notion de risque climatique a progressé dans la conscience mondiale, ça c'est quand même incontestable. Il n'y a plus de pays qui sont climato-sceptiques, quoi. Il n'y a plus ça. Et donc ça, c'est important. Et puis, il y a eu des nouveaux acteurs qui sont entrés, etc. Donc, il y a des signes d'encouragement. Et simplement, il ne faut pas être bêtement optimiste, parce que c'est sûr que cet accord, il ne sauve pas le climat. Hein. Ça ne peut être que le début d'une transformation très profonde qui n'a pas été dite. C'est ça, le problème. C'est que, une fois de plus, on est un peu dans la confusion, d'une certaine façon, c'est-à-dire que sortir des énergies fossiles à un certain moment, Ça, ce n'est pas dit. Et il y a beaucoup d'ambiguïté. Oui, et